Chapitre 8e, le mouchoir enchaîné. Paulin Broquet, s'il ne donna pas la chasse à l'auto qui emportait la femme aux cheveux d'or factice, devait nécessairement juger la chose inutile et penser qu'il retrouverait facilement cette femme quand cela lui serait nécessaire. Elle allait certainement donner à son chauffeur des ordres pour lui faire changer constamment de direction, l'obliger à se perdre en des détours compliqués pour égarer ceux qui, elle devait s'en douter, suivraient la voiture. Très tranquillement donc, Paulin Broquet, laissant la femme aux cheveux d'or faux à ses manœuvres de fuite, arriva à la sûreté. Il pénétra dans le bureau du chef de la sûreté, comme M. Baumier écoutait avec le plus vif intérêt le rapport que de vive voix lui faisait Gabriel sur l'accident de la place de Clichy. « Quelle est votre opinion à vous, Broquet ?» demanda le chef de la sûreté. « Moi, je n'ai pas à avoir d'opinion, » répondit Paulin Broquet. « Je ne m'arrête qu'aux faits. Or, les faits... Gabriel vient de vous en faire le récit, je ne sais pas autre chose. » Il roula une cigarette, l'alluma et conclut « Maintenant, j'attends. » M. Baumier savait que lorsque Paulin Broquet se trouvait dans cette disposition d'esprit qui le rendait muet, il ne fallait pas espérer tirer quoi que ce fût de lui. Le seul parti à prendre était d'attendre qu'il voulût se décider enfin à parler, ou mieux de parler pour lui. Le chef de la sûreté s'arrêta à cette dernière solution. Ce fut lui qui prit la parole. À un brûle-pourpoint, il dit à Paulin Broquet « Dans cette nouvelle aventure, je vois paraître bien souvent une femme rousse. Qu'est-ce que c'est que cette femme rousse ?» Paulin Broquet eut un singulier sourire. D'un coup de doigt sec, il fit tomber dans un petit récipient la cendre de sa cigarette et lentement il dit « Cette femme rousse est pour le moment une femme brune. »« Oui, je m'entends, » fit M. Baumier. On ne sait jamais exactement de quelle couleur sont les femmes maintenant. Mais enfin, cette femme brune d'aujourd'hui est la même que celle qui autrefois était la femme rousse. » Paulin Broquet tendit les bras comme pour dire « Je n'en sais rien. » Il paraît qu'au parfum tout spécial du mouchoir pris dans la porte du marquis, vous l'avez reconnu. C'est le même parfum que celui de la casquette de chez Ulma. De nouveau, Paulin Broquet tendit les bras. « C'est possible, » murmura-t-il. Mais une odeur ne suffit pas pour établir une identité. Un parfum ne plaît pas qu'à une femme. Il se fit un silence. Le chef de la sûreté regarda Paulin Broquet, se disant à lui-même « Décidément, il ne veut rien dire sur la femme rousse. » Alors, brusquement, il s'écria « Est-ce que nous n'aurions pas encore affaire à Zigomar ?»« Zigomar !» fit Paulin Broquet. « Zigomar !» Et sans dire autre chose, il lança en l'air une dernière bouffée de fumée, puis il jeta dans le cendrier le bout de sa cigarette. Le chef de la sûreté regarda, très étonné, Paulin Broquet qui, malgré tout, se dérobait ainsi, et, tenace, il reprit « Je vous dis cela, mon cher Broquet, non pour vous laisser entendre que malgré votre victoire incontestable sur ce magnifique bandit, nous n'avons pas la certitude qu'il ait disparu à jamais, ni pour émettre cette opinion qu'après une disparition, un plongeon, Zigomar a l'intention de nous montrer qu'il est encore de ce monde, mais parce qu'il me semble reconnaître, dans la conduite de ces récents événements, la main, la facture, la signature de notre illustre Zigomar. » Paulin Broquet répondit assez sèchement « La signature ne fait pas le tableau. » « En effet. D'ailleurs, en cette affaire nouvelle, il ne s'agit pas précisément de Zigomar, mais de cette mystérieuse femme rousse. » Paulin Broquet ne broncha pas. « Qu'est-ce que c'est que cette femme rousse ?» demanda encore le chef de la sûreté. « Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Avec qui ? Contre qui est-elle ? Travaille-t-elle pour nous ? Pour Paulin Broquet ? Et pour lui ? Nous seconde-t-elle ? Ou est-elle l'auxiliaire diabolique dont se sert Zigomar pour manifester à nouveau sa puissance ?» Nerveusement, agacé, Paulin Broquet répondit à M. Baumier. « Chef, vous me posez là des questions auxquelles je ne pourrais répondre que quand cette affaire sera terminée. Or, elle commence à peine. Très juste. Au demeurant, chef, nous avons un moyen d'avoir déjà quelques renseignements. Lequel ? Allons chez le juge d'instruction qui va procéder à l'interrogatoire de l'homme, de ce brillant marquis que nous avons arrêté hier. Vous avez raison, fit M. Baumier, comprenant enfin qu'il contrariait son détective en insistant. Allons. Peu après, ayant quitté la sûreté, il pénétrait dans le palais de justice. Par les couloirs interminables, M. Baumier allait devant. Paulin Broquet, silencieux, la tête penchée et soucieux, suivait. À 2 mètres, emboîtant le pas de son chef, venait le fidèle Gabriel. Dans le couloir qui précédait le cabinet de M. Urbain, le juge d'instruction, sur la banquette de bois, se trouvaient 3 hommes, 2 gardes républicains et un prisonnier. Les gardes, en reconnaissant le chef de la sûreté, se levèrent, rectifièrent la position et firent le salut militaire. Le prisonnier, qui n'était autre que le marquis de Torrealta, leva aussi la tête. Il regarda M. Baumier, ce qui l'escortait avec des yeux pleins de rage, mais il se ressaisit promptement. S'adressant au chef de la sûreté, sur un ton hautain du plus grand mépris aristocratique, il dit « Vous êtes, je présume, le chef de la sûreté ? Veuillez dire à monsieur le juge d'instruction qu'il ne me plaît pas d'attendre ici plus longtemps. Il me tarde de ne plus me trouver entre ses sbires et d'aller porter plainte à mon consulat contre l'inqualifiable abus de pouvoir qu'a commis hier votre fantastique mais terriblement gaffeur Paulin Broquet. » Sans prêter la moindre attention à ces paroles, M. Baumier passa devant le marquis et pénétra dans le bureau de M. Urbain. Mais Paulin Broquet s'arrêta devant le gentilhomme étranger comme s'il voulait ne rien perdre de ses paroles. Il le regarda attentivement, cherchant à le mieux voir, à le reconnaître, à s'assurer que c'était bien son homme, son captif de la veille. Puis il se pencha un peu vers lui, il renifla à diverses reprises. Enfin, revenant à Gabriel, il l'entraîna à part. « Tu ne sens rien ?» lui demanda-t-il tout bas. Gabriel, en souriant, répondit « L'odeur des gardes ?»« Non, sans. » Le couloir garde aujourd'hui des senteurs autres que ces relents âcres et lourds des miséreux qui passent ici. Gabriel renifla encore, puis soudain il dit à Paulin Broquet « Chef, ça sent son parfum à elle. » Paulin Broquet entraîna Gabriel chez le juge d'instruction. « Oui, lui dit-il vivement, ça sent son parfum à elle, mais avec un mélange bizarre que je ne définis pas, qui m'inquiète. » Passons alors au bureau de M. Urbain, qui entamait une discussion sur tous ces événements, il dit vivement « Monsieur le juge, je vous prie de faire venir ici, dans votre cabinet, un des gardes, et de me permettre de lui poser devant vous quelques questions. Mais avec plaisir, mon cher Broquet, tout ce qui vous sera agréable. » « Gabriel, dit le détective, appelle un des gardes. » Pendant que Gabriel se trouvait hors du cabinet, le juge d'instruction demanda au détective « Que se passe-t-il ? Que soupçonnez-vous ? Vous allez le savoir. » Le garde entra avec Gabriel qui, derrière lui, ferma soigneusement la porte. « Garde, demanda Paulin Broquet, y a-t-il longtemps que vous êtes dans le corridor ? Un quart d'heure tout au plus. Personne n'est passé pendant ce temps ? Personne. Pas de femme ? Une femme très élégante ? Non. Ah, vous êtes sûr que personne ? J'entends personne d'étranger, mais un avocat. Ah ? Un avocat, en robe ? Oui, en robe. Vous êtes depuis assez de temps au service du palais pour connaître beaucoup de magistrats ou de membres du barreau, n'est-ce pas ? Oui, je connais, tout au moins de figure, à peu près tout le monde. Bon, cet avocat, l'avez-vous reconnu ? Ma foi, non. C'était un tout jeune homme. Mais il y en a tant de nouveaux. Il en pleut, des avocats. Sans doute. Revenons à celui-ci. Qu'est-ce qu'il a fait dans le couloir ? Il allait voir monsieur le juge d'instruction. Mais quand il a vu que nous attendions, mon collègue et moi, avec notre homme, il a dit « Monsieur le juge est sans doute occupé. Faut pas le déranger. Je vais attendre qu'il vous appelle. J'entendrai avec vous. 2 mots seulement à lui dire. » Bon, après, il s'est assis sur le banc à côté de mon collègue et il s'est mis à fumer une cigarette de tabac qui sent fort, comme le tabac anglais. Ensuite, quand il a eu à peu près fini sa cigarette, il a regardé sa montre. « Oh ! Qu'il a fait ? Déjà si tard ? Je suis appelé ailleurs. Je reviendrai dans un moment. » Alors il s'est levé et il est parti. « C'est tout ? » ?»« Oui, c'est tout. » Il était parti depuis quelques minutes quand vous êtes entré dans le couloir avec monsieur le chef de la sûreté. « Merci, » dit Paulin Broquet. Il congédia le garde, qui après un dernier salut, tourna militairement sur ses talons, partit du pied gauche et disparut derrière la double porte. Quand la porte fut refermée, monsieur Urbain, le chef de la sûreté et Gabriel tournèrent les yeux vers Paulin Broquet qui gardait un front soucieux et se grattait nerveusement le menton. « Eh bien ? » lui demandèrent-ils. « Qu'y a-t-il ? » « Eh bien, » fit Paulin Broquet, « il y a que je suis un imbécile. Oh ! Il y a que j'ai eu tort de faire venir ce garde ici. Il y a que Gabriel aurait dû tenir sa place. Il y a enfin que nous sommes roulés. » « Roulés, comment cela ? » À ce moment, des coups précipités et violents furent frappés à la porte, et avant que M. Urbain ait pu dire « Entrez », cette porte s'ouvrait et le garde apparaissait, l'air absolument ahuri, abasourdi. « Monsieur le juge, » dit-il, « pendant que j'étais ici, il s'est passé un phénomène. Mon collègue, qui est un garçon sobre et inflexible, qui ne dort jamais, même à l'audience, même pendant les plus belles plaidoiries, mon collègue dort comme un morceau de bois sur le banc et le prisonnier est en fuite. » Gabriel, le chef de la sûreté, le juge d'instruction se précipitèrent hors du cabinet. Sur le banc, adossé au mur, le garde en effet était plongé dans le plus profond sommeil dont rien, ni appel, ni secousse, ni coup de poing ne purent le tirer. Il tenait encore dans sa main rude et solidement fermée le bout de bois qui finissait la chaîne passée au poignet du prisonnier. Et cette chaîne retenait, du lieu du marquis de la Torre Alta, un mouchoir brodé et orné d'une couronne. Et ce mouchoir était imprégné du parfum tenace et doux que connaissaient bien Gabriel et Paulin Broquet, du parfum de la femme rousse.